Merci d'écouter La Première. Il est 13h30 et vous avez rendez-vous avec Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Cette semaine, théorie et action. L'homme est le seul animal qui réalise ses rêves. De la prison au plein air. Je puis sans doute me dispenser de vous rappeler l'état actuel du monde. L'apprentissage de la pensée. Le défaut majeur de notre civilisation industrielle basée sur l'expansion est qu'elle ne peut durer. L'univers entier est traversé par le processus de l'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire de la dissipation irréversible de l'énergie. Quand toute l'énergie sera dissipée, dispersée, dégradée, entropisée, vous mourrez. L'homme fabrique des objets pour faire en sorte qu'ils accordent plus d'importance à leur téléphone portable qu'à leur gosse. Si l'on rapporte l'histoire de notre planète à une journée de 24 heures, l'homme est apparu dans les 5 dernières secondes. Et l'époque de l'Anthropocène serait apparue dans les 2 derniers millièmes de seconde. Deuxième journée en compagnie de Bernard Stiegler dans les locaux de l'Institut de Recherche et Innovation. Si vous étiez à l'antenne hier, vous avez pu constater que c'est un lieu de vie avec des portes qui grincent. J'ose faire un aveu personnel, j'adore les portes qui grincent, même si ça peut un peu gêner lors d'un entretien. Je trouve qu'une porte qui grince, c'est une porte qui vit. Voilà, c'est un commentaire personnel, ça n'engage qu'à moi, mais je suis prêt à ouvrir la discussion. On a parlé hier avec Bernard Stiegler d'un certain nombre de sujets qui concernaient à la fois sa personne sur les questions de présentation, les états dans lesquels se trouvait pour penser avec plusieurs écritures possibles, d'ailleurs sans doute P-E-N ou P-A-N, P-A-N, penser P-A-N, c'est le titre d'un de ses derniers ouvrages, je crois le dernier en l'occurrence. Aujourd'hui, on va parler d'un passé très proche et d'un futur qui est également très proche. On s'était quitté, Bernard Stiegler, il y a 2-3 ans, autour d'un projet dont vous nous aviez parlé, Pleine Commune, puisque ce projet s'est engagé et qu'il a maintenant sans doute un petit peu de temps d'expérience. L'occasion est là pour que vous nous rappeliez à la fois son contenu et puis que vous nous dressiez les états des lieux, réussite exemplaire, d'autres ou expériences mitigées ou échecs lamentables. Enfin, vous avez le choix, la palette est large, j'imagine. À vous. Alors, c'est un projet dont nous avons commencé à discuter il y a 4 ans, je crois, avec Patrick Bravazac, qui est le président de ce qu'on appelle un établissement public territorial, c'est-à-dire une communauté de communes, qui regroupe 9 communes du nord de la banlieue nord de Paris. La plus grande commune et la plus connue est Saint-Denis. Il y a aussi Aubervilliers et Saint-Ouen, donc qui sont des communes assez connues aussi, d'autres moins connues comme Stain, Villetaneuse, etc. 9 communes, 430 000 habitants. 140 nationalités différentes, donc un territoire pas toujours extrêmement simple, population plutôt très pauvre, même si grâce à une politique très volontariste de Brauzek autour du Stade de France, puisque c'est là que se jouent les grands matchs de foot par exemple, quand c'est à Paris, maintenant c'est au Stade de France, c'est à Saint-Denis le Stade de France, il y a une dynamique économique qui a été lancée il y a 20 ans, qui est très spectaculaire, qui a transformé cette région très en profondeur, et je connais très bien, parce que moi-même j'ai habité là, enfin, pas à Saint-Denis, mais dans la banlieue nord de Paris, j'ai vécu en HLM, etc. Donc j'ai vu ces transformations avec une vraie admiration, parce que c'était pas évident du tout. Maintenant, il y a 4 ans, Patrick Brozek a entendu parler de travaux que j'avais fait ici à Liry avec le Centre Pompidou sur les conséquences de l'automatisation, ce que nous appelons l'automatisation intégrale et généralisée, telles que les algorithmes combinés avec les robots, combinés avec les véhicules autonomes, combinés avec nos réactions pulsionnelles automatiques, c'est-à-dire notre psychologie automatisée, etc., etc. Ça donne, en fait, une anticipation de la possibilité de supprimer la moitié des emplois à échéance de 20 ans. Et d'être remplacé par des robots. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver, mais c'est une possibilité. Dans l'absolu, en théorie, c'est possible. Pourquoi ? Parce que la moitié de ces emplois sont en fait totalement prolétarisés. C'est-à-dire qu'ils sont assumés par des gens qui ne font absolument rien d'original, qui ne font que ce que le système leur dit de faire. Et aujourd'hui, les gens du MIT, par exemple, disent les robots font ça bien mieux que les gens. Ils sont plus fiables, etc. Ce qui est vrai, tout à fait vrai. Donc, voilà. Ils ont rarement la rougeole. Quant à la grève, on en pense pas. Exactement. Voilà. Et à partir de là, Patrick Brozek m'a entendu dire que, parce qu'il, je suis aussi le président d'Ars Industrialis, et donc nous faisons avec Ars Industrialis des réunions publiques ou des séminaires ou des choses comme ça, où nous défendons des points de vue. Il m'a entendu dire que pour lutter contre la baisse inéluctable de l'emploi, dans le monde entier, hein, ça concerne le monde entier, c'est pas spécifique à l'Occident, ou, la Chine par exemple est très menacée par ça. Il allait falloir redistribuer du pouvoir d'achat par une autre voie que l'emploi, puisqu'il y aura de moins en moins d'emplois, il va falloir maintenir du pouvoir d'achat, sinon il n'y aura plus de vente. Et s'il n'y a plus de vente, il y a un effondrement. Alors comme on sait que déjà la solvabilité bancaire est extrêmement sujette à caution, si en plus il y a une surproduction, c'est la catastrophe. Tout le monde s'attend à ça aujourd'hui, hein, faut être clair. Bon. Tous les conjecturistes anticipent quelque chose de cet ordre. Donc nous avons dit, il va falloir redistribuer. C'est-à-dire que le capital partage une partie des gains de productivité sous une autre forme que de l'emploi. Et l'idée, c'est de dire non, on ne va pas donner un revenu universel d'existence. Pourquoi pas ? On n'est pas contre, nous, hein, ça. Mais ce n'est pas la dynamique. C'est de toute façon un revenu très, très limité. Et le but, c'est de donner un vrai pouvoir d'achat à des gens qui peuvent avoir un appartement, élever des enfants, avoir une automobile, etc. Enfin, une automobile ou une mobylette, ou prendre des... Un vélo. Ou un vélo. Mais en tout cas, avoir des moyens de vie décent, correct. C'est-à-dire, par exemple, à Paris, avec moins de 3000 euros, vous ne pouvez pas vous en sortir. Hein, ça, c'est très clair. Et c'est comme ça qu'on a préconisé une extension progressive du régime de ce qu'on appelle les intermittents du spectacle en France à d'autres activités, sachant que, par ailleurs, notre économie aujourd'hui a un problème énorme à résoudre, qu'on appelle la transition énergétique, mais en fait qui est beaucoup plus qu'une transition énergétique, c'est la lutte contre l'anthropocène. Et ce qu'on appelle l'anthropocène, donc qui est un sujet d'ailleurs du film de Vialet dont on a parlé hier, l'anthropocène, qu'est-ce que c'est ? C'est le moment où l'homme est devenu un facteur tellurique d'évolution des grands équilibres de la biosphère, perturbateur, plus puissant que les facteurs naturels, et donc qui perturbe actuellement énormément le climat, mais aussi la qualité de l'air dans l'atmosphère, mais aussi la biodiversité qui est terriblement réduite, terriblement, et catastrophiquement pour l'être humain, parce que l'être humain est très menacé par cette réduction de la biodiversité, et également ce qu'on appelle l'entropie informationnelle, qui fait que, bah, par exemple, les fake news, la post-truth era, tous ces discours où on n'a plus confiance en personne, sont en fait des effets de l'entropie. Voilà. Donc nous disons, l'économie de demain, elle devra de plus en plus lutter contre l'entropie. Et ils inventèrent l'entropie. Toute machine thermique Shadok qui disperse des calories dans la nature crée de l'entropie. Et ceci de façon irréversible. Nous disons bien irréversible. Car quand l'entropie de l'univers sera maximum, quand toute l'énergie sera dissipée, dispersée, dégradée, entropisée, aucune machine au monde ne pourra la récupérer. Et vous mourrez. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'entropie ? C'est ce qui est produit par la dissipation de l'énergie, au départ, et qui produit une réduction de la diversité. C'est une standardisation de plus en plus grande, ce qu'on appelle aussi, dans le langage de la physique, le désordre. Voilà. Alors ça, aujourd'hui, on sait que l'univers en totalité est orienté par la flèche du temps, ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers, et donc l'entropie, de toute façon, c'est une loi de la physique. Mais on sait aussi que sur Terre, dans la biosphère, les êtres vivants ont une capacité à limiter l'entropie, non pas à l'inverser, ça c'est impossible, on ne peut pas remonter le temps, mais à la limiter. Et donc, pendant un certain temps, par exemple, un être humain a une espérance de vie de 80 ans aujourd'hui, il peut espérer que pendant 80 ans, il aura une capacité à empêcher l'entropie de ses cellules, c'est-à-dire la transformation de son corps en poussière. Voilà. Et avec le progrès de la médecine, de l'alimentation, on n'arrête pas de repousser cela. Ça, c'est ce qu'on appelle depuis Schrödinger l'entropie négative ou la négentropie. Nous disons aujourd'hui que la planète ne s'en sortira que si elle crée une économie qui est orientée vers la lutte contre l'entropie. Aujourd'hui, l'économie est orientée vers la valorisation de l'entropie, massivement. Et donc c'est une catastrophe. parce que ça accélère l'anthropocène, et donc il faut quand même rappeler maintenant que le GIEC nous a expliqué qu'on a 10 ans pour changer tout ça. Et après, c'est trop tard. Et ça, il y a un consensus mondial dans toutes les disciplines sur ce délai. Donc, le but de Pleine Commune, c'était d'abord d'expérimenter sur un territoire de 400 000 habitants une économie nouvelle que nous appelons l'économie contributive et qui a pour but fondamentalement de lutter contre l'entropie, c'est-à-dire d'améliorer la qualité thermique, par exemple, ou environnementale de la construction urbaine, d'alimenter la nourriture pour éviter à la fois le gaspillage de CO2, les désordres sanitaires engagés, par exemple, par le sucre ou par l'excès de graisse, etc., etc. Lutter contre l'entropie des bébés, parce qu'aujourd'hui, nous travaillons sur des petits bébés qui sont exposés à des smartphones dès la première semaine de leur vie, et qui sont ensuite des autistes, en tout cas qui ont les symptômes de l'autisme à 3 ans plus tard. Ils ne peuvent pas parler, ils sont incapables de parler. C'est absolument catastrophique. C'est ça le sujet de l'anthropocène, hein. C'est aussi tout ça. Et puis c'est aussi Donald Trump, si je peux me permettre, voilà, qui n'est pas tout à fait un personnage quand même standard et qui a un peu de quoi inquiéter. Alors, il n'y a pas que lui, malheureusement. Nous disons tout ça n'est pas une fatalité, mais si on veut le changer, il faut sans doute prononcer des lois pour ceci, pour cela, etc. Mais ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est de changer l'économie. Et c'est de changer l'économie, y compris avec le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. Peut-être qu'il faudra un jour dépasser le capitalisme, mais je crains que ce ne soit pas demain la veille. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il faut rendre le capitalisme plus rationnel. Aujourd'hui, on a un capitalisme américain en particulier qui est totalement irrationnel, qui fonctionne exclusivement sur l'extraction anthropique de valeur, c'est-à-dire la destruction des territoires. Et l'Europe est le grand perdant de cette affaire, sachant que la Chine est le challenger de ça, et la Chine, où j'enseigne aussi, donc je connais assez bien, hésite, je dirais, entre plusieurs hypothèses. Voilà. Et moi, je vais en Chine aussi pour essayer de faire pencher la balance du bon côté, ce qui est loin d'être gagné, évidemment. Sur le territoire de Pleine Commune, du coup, ça s'est traduit par des travaux appliqués, si je Oui, tout dire. À fait. Alors, d'abord, ce que nous avons obtenu au départ du ministre de l'économie et de l'industrie de l'époque s'appelait Emmanuel Macron. C'est une mission qui a été confiée à Patrick Brozek et qui demandait à Brozek de travailler avec moi et l'Institut de Recherche et Innovation pour expérimenter ce revenu contributif dans un cadre de ce qu'on appelle l'expérimentation territoriale, qui est une loi française qui autorise les territoires à faire ce genre de choses, par exemple pour déroger à la loi du travail, on ne peut déroger à tout sauf à la fiscalité. Finalement, cette loi n'a jamais été votée, et finalement les choses ne sont pas passées comme j'espérais qu'elles se passeraient lorsque nous en avons parlé. Nous avons eu beaucoup de déboires, de péripéties négatives, et pourtant le programme continue et se fait, et se réalise. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a des habitants, des partenaires, des associations, des gens du territoire avec qui on a travaillé, qui sont très motivés pour travailler avec nous. Deuxièmement, parce que nos partenaires industriels, et maintenant on a de nouveaux partenaires industriels. Quand je vous ai rencontré, par exemple, nous ne travaillions pas avec Emmanuel Faver, qui est le PDG de Danone. Nous n'avions pas encore de coopération avec la Société Générale. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux acteurs qui sont arrivés. Nous sommes aussi en train de discuter avec d'autres, j'ai pas le droit de dire leur nom, mais des gens très importants, voilà, qui sont venus voir, intuités personnelles, qui sont venus en personne voir ce qui se passe et qui ont été extrêmement impressionnés. La Caisse des dépôts et consignations, par ailleurs, qui est la banque de l'État français, qui est la banque des caisses d'épargne, et pas seulement ça, nous suit de très près. Il nous a dit, après une évaluation, parce qu'on a fait l'objet de plusieurs évaluations au cours de l'automne dernier, ils nous ont dit, ces projets-là, quoi qu'il arrive, doivent absolument continuer. Ils sont autoporteurs, ils sont nécessaires par eux-mêmes, donc on trouvera les moyens de financement. Aujourd'hui, nous n'avons pas le financement pour réaliser un revenu contributif en tant que tel, parce que nous n'avons même pas la loi. Mais par contre, nous avons des partenaires industriels, des banques aussi, des grandes banques, qui s'engagent à nos côtés, qui nous soutiennent, qui sont prêts pour une partie à financer ce que nous appelons une simulation du revenu contributif. C'est-à-dire où on va donner de l'argent à les gens comme si c'était un revenu contributif. Ça ne sera pas ça, ce sera une espèce de bricolage. Voilà. Mais parce que nous voulons avancer. Nous avons déclenché un processus, il est extrêmement positif, extrêmement fructueux. Les résultats sont tout à fait prometteurs. Après, on a des très grosses difficultés avec les administrations, qui sont celles qui comprennent le mieux en fait ce que nous faisons, qui se sentent peut-être un peu menacées aussi par ce que nous faisons. Donc c'est très difficile, mais nous pensons que nous avons le vent de l'histoire dans nos voiles. Voilà. Infotrafic RTS. Prudence si vous circulez sur l'axe Vevey-Lausanne, car des objets sont signalés entre les tunnels de Flonzellet et de la Criblette en direction de Lausanne. Si je devais, moi, me rendre sur place, Bernard Stiegler, et que vous me preniez par la main pour m'emmener voir un, deux, quelques cas concrets, qu'est-ce que j'aurais devant les yeux ? Eh bien, je vous emmène demain après-midi, si vous êtes disponible, à la clinique contributive de la PMI, c'est le centre de protection maternelle infantile Pierre Sémard, dans un quartier de Saint-Denis qui est le plus pauvre de tout Saint-Denis, où 60% des habitants sont des mères célibataires avec des enfants, dans des conditions très très très difficiles. Je dois vous dire que si je vous dis ça, si vous allez dans le quartier, vous ne me croirez pas, parce que le quartier, on se croirait dans un quartier de la moyenne bourgeoisie, très bien tenu. Ça, c'est la ville de Saint-Denis, qui soigne énormément ses pauvres. C'est impressionnant. Mais ces gens qui vivent là sont extrêmement pauvres. Ça se voit pas. Nous travaillons avec une PMI. Donc la PMI, qu'est-ce que c'est ? C'est une institution française qui prend soin des bébés, des tout petits bébés, donc, et de leur mère. Donc ça veut dire protection maternelle et infantile, qui accueille le couple mère-enfant au moment de l'allaitement, c'est-à-dire dès le début. Voilà. Et donc nous travaillons, nous, avec une pédopsychiatre qui s'appelle Marie-Claude Bossière, c'est elle qui nous a mobilisés sur ce sujet, depuis déjà 2 ans maintenant, à essayer de prendre soin de mères surtout, il y a aussi des pères parfois, mais pas toujours, qui ont eu la tentation de se servir d'un smartphone pour calmer les bébés qui n'arrivent pas à prendre le sein, qui n'arrivent pas à téter, et qui ont créé une addiction chez le bébé. Le bébé tète une fois qu'il voit un smartphone, mais le problème, c'est que ça lui détruit le cerveau. Ça détruit aussi le cerveau de la mère, mais enfin parce que la mère utilise aussi son smartphone pour téléphoner en même temps qu'elle donne la tétée, ou pour faire ceci, ou pour faire cela. Et en fait, le smartphone est toujours, aujourd'hui, tout le monde le découvre, un objet extrêmement addictif, extrêmement perturbateur, qui détruit, il y a une campagne d'une société de crèche en Allemagne, qui disait aux parents, quand vous venez chercher votre enfant à la crèche, regardez l'enfant, ne regardez pas votre smartphone. Il en fait une affiche qui est très éloquente d'ailleurs. Bon, là nous travaillons avec des puéricultrices, des médecins, psychologues, pédopsychiatres, diététiciennes, et nous commençons à travailler avec les parents à partir du mois d'avril, on n'a pas encore commencé, à constituer ce qu'on a appelé une clinique contributive, qui s'appuie sur 3 méthodologies en sciences sociales ou en médecine, qui sont premièrement la recherche-action, qui avait été conçue par Kurt Lewin en 1940 en Amérique du Nord, et qui consiste à dire quand on fait de la recherche avec des êtres vivants humains, il faut que les humains deviennent des chercheurs, et non pas des objets. Ce ne sont pas des objets qu'on peut manipuler comme ça, il faut les associer à la recherche. C'est ce que nous faisons avec toutes ces personnes-là. Et même les mômes, à un moment donné, qui deviennent aussi des contributeurs de recherche. Voilà. Ils sont tout petits, évidemment, au début, mais à 3 ans, ils peuvent devenir des partenaires de recherche et des chercheurs. Voilà. Deuxièmement, on utilise les concepts d'un psychiatre catalan qui s'appelait François Tosquelles, qui avait mis au point ce qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle, et qui disait le meilleur moyen de faire en sorte que les malades d'un hôpital psychiatrique, par exemple, se soignent bien, c'est qu'ils se soignent mutuellement en soignant l'hôpital. Tosquelles disait, en fait, c'est l'hôpital qui est malade. Et l'hôpital est un représentant d'une société qui vous rend malade. Donc il faut que vous soignez la société pour que vous soyez moins malade. Voilà. Et soignez-vous les uns les autres, mutuellement. Voilà. Ça a produit des résultats fabuleux, hein, cette démarche-là. Et puis troisièmement, il y a la démarche des alcooliques anonymes, qui a été étudiée et décrite très précisément et accompagnée par Gregory Bateson, qui est un très grand anthropologue américain, et qui a montré que y avait un mystère des alcooliques anonymes, hein, puisque les alcooliques anonymes ont 4 fois plus de résultats positifs que les hôpitaux psychiatriques qui essayent de désintoxiquer les alcooliques. Et donc la question, c'était pourquoi ? Comment ça se fait ? Ce sont des anciens alcooliques. Et bien, en fait, il a montré que c'est parce que ces anciens alcooliques transforment leur expérience d'échec en une expérience de transmission de savoir qui devient une réussite. Et bien, aujourd'hui, nous travaillons avec cette structure, avec ces personnes. Nous sommes une quinzaine dans cette clinique contributive pour le moment. On va élargir. On travaille avec d'autres gens dans un séminaire qui est attaché à ça, qui sont des structures semblables de Paris, des étudiants qui travaillent en psychopathologie, etc. On a élargi tout ça. Mais à Saint-Denis même, c'est une quinzaine de personnes pour le moment. On va associer de plus en plus de parents. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que ces personnes avec qui nous travaillons étudient avec nous, elles, parce qu'il n'y a que des femmes, voilà. Elles ont énormément d'expérience, et elles sentent que là, on est en train de produire quelque chose de très, très, très riche. On produit de la richesse, qui est d'avoir une richesse relationnelle, qui donne de l'espoir, etc. Notre but, c'est, à travers cette clinique contributive, de créer une nouvelle économie, une économie contributive du soin mutuel, voilà, qui n'est pas là pour éliminer les services sociaux, etc., mais pour les rendre beaucoup plus efficaces. Voilà. Et en les liant avec les habitants d'une manière fonctionnelle, et en distribuant des revenus contributifs à ces habitants, dans des conditions qui sont celles que plus généralement nous définissons comme celles des intermittents du spectacle, c'est-à-dire ce revenu contributif, on le touche à une condition, c'est qu'au bout d'un certain temps, en France, pour les intermittents, c'est au bout de 10 mois, on doit être capable de justifier 507 heures de travail contractuel dans un emploi intermittent. Moi, aujourd'hui, je suis en train de discuter avec des villes, des communes, pour qu'elles votent à leur budget, je sais pas, 500 000 euros d'emploi intermittent pour les gens qui s'occupent des enfants, voilà, par exemple. Et ça, ce sont des investissements extrêmement productifs. Pourquoi ? Parce que les enfants en question dont je vous parle, si on s'en occupe pas, c'est des coûts sociaux absolument énormes. Pareil pour les gens qui ont du diabète, du cholestérol, etc., parce qu'ils mangent très très mal. Ils mangent, et c'est aussi pour ça qu'on travaille aussi, par exemple, sur un autre chantier, qui est la nourriture, la nouvelle nourriture urbaine, avec l'agriculture urbaine. On est en train de travailler avec un grand industriel, la cuisine, pour inventer une cuisine locale, urbaine, de qualité, pour améliorer l'alimentation des enfants, des parents, etc. Justement, puisque Bernard Stiegler, vous citez les villes, et que l'on sait, quand on suit un peu l'actualité de près, notamment l'actualité de l'Hexagone, que les territoires locaux se sont trouvés, lors des dernières années, de plus en plus privés de ressources, est-ce qu'elles... vous arrivez donc dans un moment où les cordons de la bourse sont sans doute un peu plus serrés. Est-ce que la perspective, malgré tout, de ces formes d'économie nouvelle peuvent trouver une traduction, autrement dit un écho, de la part des responsables contemporains des villes en question, et sont-ils prêts à desserrer quelque peu, avec ce qu'il leur reste ou ce qu'ils ont dedans, les cordons de la dite bourse? Oui, je le crois. Je le crois parce que, en tout cas pour les plus conscients d'entre eux, et il y en a quand même beaucoup, hein, il y a des gens, beaucoup de gens responsables quand même, non, heureusement. Ils sont sur le terrain, ils voient. Sur le terrain, eux sont responsables. C'est ceux qui sont décrochés qui sont pas responsables. Mais ceux qui gèrent vraiment tous les jours, je sais pas moi, les poubelles et tout ça, c'est, ils font, et les urgences, les pompiers, ils voient les choses de près, donc ils sont pas complètement perdus à l'ouest dans leurs rêves. Hein. Et oui, ce que je crois, c'est qu'en effet, il est possible d'améliorer les choses dans les localités, sachant qu'un point très important de ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui est vrai, par exemple, à Saint-Denis n'est pas forcément vrai à Aubervilliers, et ce qui est vrai en Seine-Saint-Denis n'est certainement pas vrai dans les Yvelines. Autrement dit, cette économie dont je vous parle, qu'on appelle l'économie de la contribution, et qui repose sur la valorisation des savoirs des gens, leur savoir-vivre, leur expérience personnelle, etc., à l'inverse de l'économie industrielle précédente qui était basée sur la prolétarisation, c'est-à-dire sur la destruction du savoir des gens, puisqu'on posait que le savoir devait être remplacé par la machine. Nous croyons qu'aujourd'hui ça atteint une limite. Si on veut réintroduire de la négantropie, il faut réintroduire des savoirs, y compris les savoirs nourrir son enfant, s'occuper de lui, etc. C'est pas simplement des savoirs académiques ou des mathématiques, hein, c'est des savoirs très pratiques, très concret. Mais il faut les réintroduire. On réintroduit, par exemple, aussi les savoirs de l'argile. On introduit en ce moment, puisqu'on a aussi des projets dans le domaine de développement urbain, l'utilisation du pisé en région parisienne. Le pisé, c'est de la construction qu'on voit en Afrique, surtout en Afrique saharienne, avec de l'argile. Les Marocains en particulier ont fait des choses merveilleuses avec ça. Et bien là, il y a beaucoup d'argile ici en région parisienne. Nous sommes en train de commencer à lancer des choses. Ça suppose des artisans qui sont des gens de haute qualité, c'est pas robotisable. Par contre, on peut utiliser des robots pour produire du pisé qui est rentable et améliorer très sensiblement la qualité thermique d'un bâtiment. Donc nous travaillons sur des choses comme ça, nous travaillons aussi sur des problèmes de mécanique, je vais pas vous en parler, on n'a pas le temps. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que ce genre d'économie-là, elle est locale. C'est-à-dire que il faut tenir compte des spécificités territoriales. Chaque territoire a des spécificités. Alors, si j'insiste sur ce point, c'est parce que, par ailleurs, ce programme de pleine commune qui avance et qui est très soutenu maintenant, essentiellement par le monde économique et les banques, quasiment. Alors, la collectivité territoriale n'a plus d'argent, parce qu'elle a perdu énormément de ressources, donc elle ne peut pas nous aider. Et l'État, il est totalement absent. Voilà, il est aux abonnés absents. Par contre, les acteurs économiques sont convaincus que ce qu'on fait est intéressant, et donc ils nous aident. Et c'est grâce à eux qu'on continue à avancer. Mais je dirais que j'ai beaucoup plus confiance aujourd'hui en eux qu'en toute autre chose, parce qu'en plus, ils ne sont pas victimes des aléas politiques. Cela étant, ce programme, on est en train aujourd'hui de l'internationaliser, et nous lançons un travail, depuis déjà 6 mois, nous avons commencé très activement à le lancer, qui a démarré à la Serpentine Gallery de Londres, donc le 22 septembre dernier, à Londres, et qui a pour but d'adresser un mémorandum à l'ONU que nous allons remettre le 10 janvier à Genève, le 10 janvier 2020, sachant que le 10 janvier 2020, c'est le 100e anniversaire de la création de la Société des Nations. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la Société des Nations a échoué. Elle a été transformée en Organisation des Nations Unies en 1945, puisqu'elle a engendré une deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, nous sommes dans une troisième guerre qui n'est pas une guerre du même type, c'est la guerre économique. Voilà. Et cette guerre économique fait plus de victimes et plus de dégâts encore que les deux premières guerres mondiales. Et nous pensons qu'il faut maintenant se mobiliser et se tourner vers l'ONU pour amener l'ONU à prendre en charge complètement le problème de l'anthropocène, puisque c'est l'avenir de la vie sur Terre qui est en jeu. Et donc, pour ça, nous proposons, avec un aréopage de... Il y a des scientifiques, mathématiciens, biologistes, physiciens, climatologues, etc., mais aussi juristes, économistes, informaticiens, spécialistes des données, etc., etc. Nous sommes en train de les faire travailler ensemble. Pour quoi faire? Pour écrire un texte de 10 pages, qui sera une proposition d'action, avec une démarche de recherche, qui reprend les idées de ce qu'on appelle la recherche contributive à pleine commune, mais pour toutes sortes de pays. Il y a déjà des pays candidats, l'Équateur, l'Inde, l'Angleterre, l'Irlande. Et donc nous pensons qu'il faut lancer un grand programme de recherche-action à l'échelle planétaire, avec une hypothèse qui est qu'il faut revaloriser la localité. Pourquoi? Parce que ce qu'on dénonce dans la globalisation, que l'on s'appelle Donald Trump, Madame Le Pen, Monsieur Montebourg, Monsieur Mélenchon, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la globalisation a détruit la solvabilité, la valeur. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Après, ce qui est dangereux, c'est de dire il faut fermer les frontières, il faut revenir à autrefois. Non, ça, on ne peut pas le faire. Par contre, revaloriser la localité avec les technologies contemporaines, ça, c'est, non seulement c'est possible, mais c'est absolument indispensable. Parce que si on dit qu'il faut augmenter la lutte contre l'entropie, produire ce qu'on appelle de la négentropie, il faut savoir que Erwin Schrödinger dit que la négentropie ne peut être que locale. Donc ça n'est qu'au niveau local qu'on peut produire des modèles de négentropie. Et nous nous réunissons d'ailleurs la semaine prochaine au Collège de France, voilà, avec Alain Supiot, qui est un juriste très connu, qui a été chargé par l'OIT de faire un rapport sur l'avenir du travail, du droit du travail au XXIe siècle. Nous travaillons maintenant ensemble. Nous nous réunissons la semaine prochaine pour continuer à rédiger ce mémorandum que l'on compte remettre à Genève donc le 10 janvier prochain. Nous serons là, évidemment, Bernard Stiegler. On va se retrouver demain pour la suite, où l'on intégrera un certain nombre d'objets sur lesquels vous travaillez, que vous exposez dans vos ouvrages et souvent dans vos conférences. Donc on va intituler assez sobrement ce nouveau chapitre « Concept ». À demain. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Jean-Philippe Tsallen, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker.